c'est Gaël sur RDB pour votre émission Zik Actu. Voilà, mardi sur deux, on recommence, c'est la deuxième émission et c'est toujours sur l'actualité musicale en direct du Chélard. On commence par une actualité un petit peu politique, voilà, c'est, on va dire, mon interprétation des présidentielles d'il y a deux semaines, les présidentielles. Je fais toujours une boulette pour commencer l'émission, vous inquiétez pas, c'était celle-ci, après j'en fais moins. Donc les européennes d'il y a deux semaines, donc voilà, je vous passe un petit morceau d'Eiffel. À tout moment, la rue peut aussi dire non. gratuitement parce qu'on ne veut pas qu'elle soit. Le jour où le plus grand nombre sera à même, par sa culture et ses connaissances, de choisir lui-même sa vérité, il y a peu de chances pour qu'il se trompe. La vérité n'est pas du côté du plus grand nombre, effectivement, parce qu'on ne veut pas qu'elle soit. Le jour où le plus grand nombre sera à même, par sa culture et ses connaissances, de choisir lui-même sa vérité, il y a peu de chances pour qu'elle se trompe. Pour qu'elle se trompe. Pour qu'elle se trompe. Pour qu'elle se trompe. C'était Eiffel en direct sur RDB. Du coup, je vous ai passé deux morceaux. À tout moment, la rue. Entre parenthèses, on pourrait dire peut aussi dire non. Et un deuxième morceau qui est en fait un extrait de Boris Vian. Voilà, le plus grand nombre en fait. C'est bon, je vous laisserai méditer sur cette citation. Du coup, on continue cette fois en direct live des studios de RDB avec le groupe Delta que j'ai la chance de recevoir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on fait une spéciale festoche. Donc, le festoche, c'est un festival organisé notamment par Ardèche Musique et Danse qui se passe à Colombier-le-Vieux et ça se passera ce week-end, donc ce samedi. Voilà, donc une première partie dans l'après-midi avec les élèves de l'école à partir de 14h avec les groupes de musique actuelle et une deuxième partie à partir de 20h avec, on va dire, les têtes d'affiche. Et ces têtes d'affiche, c'est notamment Delta qu'on écoute tout de suite. Je rêve d'une vie en rose. Il suffit d'un geste, d'un regard pour que tout se métamorphose. Au-delà des apparences, tu sembles si bien me connaître. Je resterai celle que je suis. Te voir encore à chaque geste de ta part, tout et toutes peuvent s'envoler au-delà des apparences. Tu sembles si bien me connaître. Je resterai celle que je suis. Je resterai celle que tu vois. C'était Delta en exclusivité internationale sur RDB, avec une chanson qui s'appelle Toi. Et donc en exclusivité aussi, je les reçois dans le studio. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc on écoutait un premier extrait de Delta. Donc je rappelle que vous jouez au Festoche ce vendredi. Ce sera à quelle heure ce samedi? À 8h pile. À 20h pétante. D'accord. Donc Delta, première question. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc déjà, elles sont deux dans le studio. Est-ce que vous êtes aussi deux sur scène? On est deux sur scène. Il y a Margot et Camille. D'accord. Et du coup, pour faire une présentation un peu plus complète, vous avez quel âge? Vous êtes étudiante? Moi, j'ai Margot, j'ai 17 ans et je suis au lycée du Chélard en terminale cette année. Et je fais de la guitare depuis 10 ans maintenant. Et que dire d'autre? Toi? Et Camille? Moi, je m'appelle Camille, j'ai 13 ans, je suis au collège du Chélard et je fais de la musique depuis 7 ans. D'accord, très bien. Et Delta, alors ce nom, d'où ça vient exactement? C'est quoi la symbolique derrière ce nom? Quelle question. C'est un secret. Il n'y en a pas, c'est un secret, voilà, peut-être que... C'est que il y a eu un moment où on a dû chercher des noms et on a cherché plein de choses qui sonnaient bien, puis... En fait, on a vu tellement de trucs que moi, je ne sais même plus d'où ça vient, en fait. D'accord. C'est quoi un delta, finalement? Delta, c'est... Ça fait un triangle, c'est la triforce. La triforce, 3. Qu'est-ce que ça fait, ce triangle? D'accord. Vous avez cherché au hasard dans un dictionnaire, vous êtes tombé là-dessus, en fait, c'est ça l'histoire. C'est un peu ça aussi. D'accord, non, moi, je trouve ça plutôt joli. À vous de trouver, quoi. D'accord, on va chercher. Donc, du coup, ce concert de samedi, vous le sentez comment? Est-ce que vous avez déjà joué devant du public ou c'est vraiment une première? La vraie première fois où on a joué devant un public, c'était jeudi dernier au spectacle du lycée du Chélard. Et je crois que ça s'est bien passé, non? Ouais, les gens étaient plutôt contents. Et nous aussi, d'ailleurs. Et puis, on espère que ça va bien se passer. Samedi. Oui, je pense. Oui. Ça va le faire. Mais j'en doute pas. Du coup, au niveau des textes, qui est-ce qui écrit les textes? Vous chantez en français, en anglais déjà? On a entendu, c'est du français, a priori. Ouais, on écrit en français, on fait une reprise en anglais, et puis il y a un petit bout de chanson qui est en anglais aussi sur une de nos chansons. Mais la chanson « Toi », c'est Camille qui l'a écrite, le texte, et j'en ai écrit quelques-unes... moi. Et puis il y a un morceau qu'on joue aussi, c'est mon frère qui l'a écrite, mais c'est sur un texte de Guy de Maupassant. Alors... D'accord, donc c'est un groupe collaboratif en fin de compte. C'est cela. Ça vient un peu de partout et on s'inspire comme on peut. D'accord, très bien. Donc Delta, c'est deux magnifiques voix, deux guitares. On continue donc l'écoute avec Anastasia. En direct de Zik Actu sur RDB avec le groupe Delta à mes côtés. On continue notre petite interview. Du coup, ce deuxième morceau, il s'appelait Anastasia. C'est quoi son histoire alors? C'est une fille qui rêve en fait, qui se pose des questions et qui, ouais, qui est toute seule et qui se demande qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. Oui. D'accord. Non, mais c'est déjà bien. C'est à peu près ça l'idée. D'accord. Vous trouvez vos inspirations où? C'est une question un peu vague, mais c'est des textes qui parlent de quoi essentiellement? De la vie, des rêves, et puis toutes les questions qu'on peut se poser. D'accord, très bien. Et ces morceaux qu'on entend, ils sont gravés sur CD, on peut les acheter dans le commerce? Pas encore. On espère qu'un jour un producteur va venir nous voir et nous faire venez, on enregistre, ça serait cool. Ouais. Parce que là actuellement, vous avez combien de titres enregistrés? On a les 4 qui sont sur SoundCloud et c'est tout en fait. D'accord. Donc on a d'autres morceaux qu'on a écrits mais pas enregistrés quoi. Enregistré, ouais. Donc vous pouvez retrouver ces titres sur SoundCloud en tapant Delt, D-E-L-T, tiré du milieu, musique. Et il y a aussi une page Facebook de Delta, voilà, si vous aimez, vous pouvez mettre votre petit pouce en l'air. Grave. Et donc cette démo, elle est enregistrée il y a combien de temps? Pendant les dernières vacances, là, puis un lundi après-midi, une longue après-midi. D'accord, et vous avez fait ça en studio? Eh bien, notre prof de guitare, Jean-Phi Cellier, on lui fait des bisous. Elle nous a accueillis gentiment dans son studio pour qu'on enregistre ça une après-midi, comme ça. D'accord. Voilà. J'ai une question de Damien qui dit « Leur musique est superbe, donc leur, merci. La vôtre. Est-ce qu'elle compte un jour rajouter une batterie ou autre chose pour compléter leur groupe ?» On avait bien pensé, en fait, on aimerait bien peut-être rajouter un percussionniste. Si nous entend quelque part. Et là, ça fera un vrai Delta, du coup. Un vrai, ouais. D'accord, donc trois, vraiment, Delta, ça pourrait être trois musiciens. Il manque encore un bout du triangle, là. Oui, on attend. Ouais. D'accord, moi je trouve que déjà, c'est très chouette avec deux guitares, deux voix. On a déjà quelque chose de très beau et de très complet. Après, c'est chacun. C'est une bonne idée aussi, de toute façon, un percussionniste. Et un autre instrument plus exotique, vous y avez pensé ou il y aurait que vous voyez que de la percussion dessus? Peut-être qu'un jour, on pourrait essayer le ukulélé, non? Ça te dit? Un peu de ukulélé, pourquoi pas. Voilà, c'est plus exotique, en effet. Au niveau de vos influences, c'est quel groupe en fait vous écoutez, quel groupe vous ont inspiré pour créer ce projet? Moi j'écoute de tout. La chanson, j'aime bien la folk, enfin j'aime bien Bob Dylan, les chansons, j'écoute plein de choses en fait, du coup je sais pas trop. Les mélodies, ça peut venir de n'importe quoi en fait. Je sais pas trop. On n'a pas vraiment pris d'inspiration sur des chanteurs particuliers en fait. On n'a pas d'artiste. D'accord, mais en fait souvent. C'est un mix de tout ce qu'on écoute, ouais, c'est ça. Voilà, mais j'imagine bien que c'est pas la volonté de copier quelqu'un, mais il y a toujours des choses qu'on écoute qui nous parlent plus et qui, des fois, ressortent, toujours digérées, mais qui ressortent parfois dans notre musique. Moi, ça m'a fait un peu penser à Émilie Simon. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, je trouve que j'en avais écouté, du coup. Oui. Il y a quelque chose que je trouve très beau chez Émilie Simon et que je retrouve un peu chez vous. C'est on écoute Fleurs de saison d'Émilie Simon. Dès les premières lueurs, oh, je sombre. Tout bien, tout. C'était Émilie Simon avec Fleur de saison et je suis toujours avec Delta dans les studios de RDB. Et du coup, voilà, Émilie Simon, donc c'est une artiste de Lyon qui est notamment passée par la fac de musicologie. Du coup, voilà, quels sont un peu vos projets à la suite de ce concert de samedi ? Ensemble ? Alors les projets peut-être ensemble d'abord pour commencer ? Ben, on aimerait bien tourner un petit peu cet été quand même, ouais. Faire 2-3 concerts. Par exemple, on avait un petit peu parlé de la Forge, par exemple, à Saint-Martin, ou tourner peut-être dans des bars, faut voir. Si vous voulez nous accueillir, ah oui, on est carrément. 100% OK. L'annonce ouais. Est lancée, du coup. C'est ça. Ouais. Parlez-nous-en sur notre page Facebook ou comme vous pouvez nous joindre. D'accord. Il y a Vave sur Facebook, d'ailleurs, qui demande si vous pensez écrire d'autres chansons ou vous arrêter aux 4 qui sont sur le SoundCloud. Il y en a déjà d'autres, peut-être ? Oui, on en a encore qu'on a écrite en surprise spéciale exclusivité pour samedi. Mais ouais, je pense qu'on va continuer tant qu'on a des idées. Ça ne s'arrête jamais. Donc la grosse actualité du moment, ça va être le festoche samedi à Colombier-le-Vieux à partir de 20h. Alors si c'est donc 7€ la soirée et... Vous pourrez donc voir d'autres groupes. Il n'y a pas que Delta. Il y aura aussi un autre groupe qui s'appelle... Vous jouez avec qui ? Est-ce que vous êtes au courant ? Il y a Little Box. Little Box, et ben on va commencer par ça. Un groupe de punk rock qui sort un nouvel EP qu'on écoute tout de suite, dont l'extrait s'appelle « Handle with Care ». Time to change. We don't need to worry. C'était donc Little Box, voilà un groupe de punk rock que vous pourrez écouter samedi soir à j'ai paumé où c'était, à Colombier-le-Vieux, donc pour le festoche, heureusement on est nombreux, du coup en compagnie notamment de Delta. Moi c'est un, je trouve que c'est super comme groupe, ça me fait penser à Burning Heads, un groupe que j'appréciais beaucoup aussi. On continue donc la programmation du festoche, à découvrir la programmation du festoche. Vous savez, il y a qui d'autre avec vous du coup? Il y a Flyde aussi. Flyde. Alors on écoute tout de suite Flyde avec un morceau qui s'appelle Don't Cross My Property. C'était Flyde, donc il y aura du bon son rock, du bon gros son comme on l'aime ce samedi à Colombier-le-Vieux au Festoche. Il y aura aussi Delta qui sera en concert aussi, notamment le 28, il me semble, le 28 juin. Oui, au Café de la Palisse chez Bambin. D'accord, à partir de quelle heure? Ça se passe comment? Vous êtes, y a que vous? Je pense que ça va commencer tôt, peut-être vers 5-6 heures, parce qu'il y a plusieurs groupes de l'école de musique par exemple qui jouent. Et puis ça va risquer de finir tard aussi en fait, je pense. D'accord. Donc il y a une bonne soirée à passer, je pense, ce soir-là. Super. Il y aura quoi comme style du coup? Tout. Il y aura du jazz, je pense. Il y aura de la musique actuelle et puis il y aura nous. Puis ouais. Donc le 28 juin au bar de la Palisse, c'est au Chélard. Très bien. Et d'autres dates pour l'été du coup? Vous avez lancé un, voilà, tout à l'heure un avis pour dire que vous étiez intéressé pour jouer dans la région. Voilà. Peut-être on va faire des petites demandes dans des cafés, je pense, ou ouais, on verra. Mais on vous attend. Très bien, donc on suivra tout ça attentivement sur la page Facebook de Delta. Et donc un dernier groupe qui sera présent, on va dire, c'est la grande tête d'affiche ce samedi à Colombier-le-Vieux, c'est Miss White and the Drunken Piano, un groupe atypique avec une chanteuse assez incroyable qui est capable de passer du hip-hop au jazz et tout ça vraiment de façon complètement fluide. Et voilà, moi je trouve que c'est un super groupe à découvrir. On écoute un morceau qui s'appelle Chopin Was a Hip-Hop Lover. So far, I'm not the queen with the diamond ring. So far, I won't sell my pride for a dress or a star. Pink hearts are insane. Pink hearts are. Man, for everybody, no lovers that don't think you're ready. Heart grows, grows. I'm not a blue rose, and I wear you as a skin. For everybody, know you see what I mean. Love in a big bold story, not blood dipping hearts waiting for me. Does everybody know? Does everybody know? Does everybody know? Does everybody know? Miss White and the Drunken Piano, donc un groupe avec un beatboxer, ce qui est suffisamment rare pour le signaler. L'avantage avec les émissions participatives, c'est quand on se trompe de date, et ben on est vite remis à jour. Oui. Donc le concert au bar de la Palisse sera le 29 juin. J'espère que vous n'avez pas bloqué vos dates trop vite, hein. Donc le dimanche, a priori, si mon calcul semble. Dimanche après-midi. D'accord. Voilà, donc c'était Delta en direct de RDB. Merci, un grand merci à vous pour ce petit bout d'interview. Et puis voilà, on vous souhaite un bon concert pour samedi soir, entouré de Miss White and the Drunken Piano, Flyde, Little Box. Et voilà, déjà ça fait une belle soirée. Et puis plein de groupes aussi dans l'après-midi à venir découvrir. Voilà, les étudiants de l'école de musique Ardèche Musique Danse. Donc merci, longue route à vous. Si vous voulez, vous pouvez rester encore pour commenter mes choix de programmation qui peuvent être complètement discutables, notamment cette chanson. C'était Catherine avec les Dictateurs. Donc Catherine qui sort un nouvel album qui s'appelle Magnum, donc un album à moustache, et qui nous apprend notamment que les Dictateurs avaient des mamans beaucoup trop gentilles. Voilà, Catherine, moi c'est un artiste que je suis depuis un moment, et je trouve vraiment plein de qualités. Il faut pas s'arrêter aux titres qui sont matraqués à la radio, qui sont souvent un peu débilisants, mais c'est un peu son côté provoque. Il y a souvent des petites pépites cachées dans les albums, et notamment dans les albums un peu plus anciens. Moi j'adore un album qui s'appelle Mes mauvaises fréquentations, qui date de 1996, ça a presque 20 ans, et vous allez voir que c'est vrai que son style a pas mal évolué depuis. On écoute la chanson Des jours bénis de Catherine. Chante-moi encore la même mélodie sur les deux accords que je t'ai appris. La chanson des jours bénis, des paroles en l'air, des mensonges impunis, de tonnerre, et voilà que j'oublie la chanson des jours bénis. Avant que l'on se dise les adieux avant que l'on choisisse deux chemins. Désert, avant que l'on tourne le pas, que l'on tourne le pas. Chante-moi encore la même mélodie, la chanson des morts ou des jours bénis. Je ne sais plus très bien aujourd'hui. Je ne sais plus très bien. C'était Catherine, la chanson des jours bénis. Donc je suis toujours avec Delta. Delta, par exemple, vous, qu'est-ce que vous connaissez de Philippe Catherine ? Absolument rien. Absolument rien. D'accord. Laissez-moi manger ma banane, tout ça. Non, je préfère pas. Des titres assez polémiques. Voilà, ça passe quand même pas mal à la radio, Catherine, et vraiment, c'est pas les chansons, c'est rarement les meilleures chansons. On continue notre programmation en votre compagnie, et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on apprend des choses, notamment des dates de concert qui tombent entre chaque chanson, voilà, pendant, on va dire en off, pendant que les chansons passent, on apprend des choses sur les dates de concert de Delta. Par exemple, le 21 juin, a priori, je dis bien a priori. Il semblerait, nous attendons la confirmation. Voilà, peut-être que ça sera pour la prochaine chanson qu'on confirmera. Une date, où ça ? À la fête de la gare, au Chez l'Art, et le soir. Mais dans tous les cas, il faut y aller en fait, même si on n'est pas là. Parce qu'il y a quoi, il y a quoi d'exceptionnel ? C'est la fête de la musique, donc c'est ça. Oui, ça tombe ce jour-là. Et puis, il y a plusieurs groupes de l'école de musique qui jouent. Et puis le soir, il me semble qu'il y a une soirée dansante. Et il y a une paella géante. Non, une omelette géante. Ah, c'est une omelette, pas une paella. Oh. Une omelette géante, c'est bien, oui, aussi. Oui, ça se mange aussi. Ça se mange aussi. Ok, vous savez, donc vendre les soirées, ça fait envie d'y aller. On va y aller pour l'omelette géante, déjà. Et puis, avec un peu de chance, il y aura Delta aussi. On continue avec un artiste qui s'appelle Owen Palette, qui sort un album qui s'appelle In Conflict. Et donc, la chanson s'appelle On a Path. C'est un violoniste, chanteur. C'est un très bel album que je vous conseille. Dig, dig for silver in the name of keeping the order. Silver is nothing more than the displacement of water. It's a trick of the light on the face of your daughter and all your son. The rising tide of intellect, your room a holy mess. A copy of the dispossessed, your room a holy mess. You say you'll never go home, but the truth is you never left it. At the top of the canyon, we look down at what can be created. Spending every year bent over from the weight of the year before. empty cavity. A hole to be filled with the multitudes around me. So what didn't you say? What didn't you say? So when you could see, we gotta call the whole thing off. Get up before the drop. We gotta call the whole thing off. Get up before the drop. C'était Owen Palette en direct de RDB sur votre émission Zik Actu un mardi sur deux. Donc je suis toujours avec Delta qui va nous annoncer les horaires exacts des quatre têtes d'affiche. Parce qu'il n'y a pas une, pas deux, pas trois, mais quatre têtes d'affiche samedi soir à Colombier-le-Vieux. Bah, ça peut toujours varier bien sûr les horaires. Mais donc nous on va jouer vers 20h, 20h30. Puis après il y aura Miss White à 21h. Il y aura Little Box à 22h15 et sur mon Flyde à 23h30. Voilà, voilà. Très bien, donc venez nombreux à Colombier-le-Vieux samedi à partir de 20h. On continue donc sur la programmation un peu découverte. Donc je viens de passer Owen Palette qui en fait officiait sous le nom de Final Fantasy, voilà, comme le jeu vidéo du même nom jusqu'à 2010, à mon avis jusqu'à ce qu'il ait des problèmes de droit, et qui a donc repris son nom, Owen Palette. Donc c'est un violoniste et chanteur canadien. Owen Palette, il a participé à pas mal d'albums, notamment avec les Arcade Fire, mais aussi avec Last Shadow Puppets. Voilà, Last Shadow Puppets, c'est déjà un groupe qui rassemble deux musiciens assez exceptionnel, Alex Turner, donc le chanteur d'Arctic Monkeys, et Miles Kane, le chanteur des Rascals. Et à ça, vous rajoutez les arrangements de Owen Palette, donc voilà, qui a vraiment un grand talent pour faire ça, comme on vient de l'entendre sur la chanson précédente. Et vous obtenez donc Last Shadow Puppets. On écoute The Edge of the Understandment. Tables in the glass house, ethereally bedraggled in the wind. C'est presque la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis donc pour la deuxième édition de Zik Actu RDB. Nous étions en direct avec Delta, un groupe que je vous recommande fortement, que vous pouvez donc découvrir sur Facebook et sur leur page SoundCloud en tapant SoundCloud et plus loin Delta avec D-E-L-T tiré du milieu musique. Voilà, sur la page Facebook on les retrouve facilement. Je vous souhaite un bon concert pour samedi. Et puis on a découvert aussi deux trois autres groupes. Voilà, j'ai passé Eiffel, alors c'est peut-être pas une découverte, mais je trouve qu'il y a vraiment des albums à réécouter d'Eiffel, c'était très chouette. Moi j'ai pensé à Émilie Simon par rapport à Delta, je trouvais que c'était un groupe qui était en rapport. Et puis on a écouté la programmation donc du Festoche. Vous avez donc découvert ou redécouvert Flight, Miss White and the Drunken Piano et Little Box. Pour les sorties albums, on a passé Catherine avec l'album Magnum, Owen Palette avec l'album In Conflict, et on s'est un peu rappelé de, voilà, vu qu'on a parlé d'Owen Palette, c'était l'occasion de réécouter Last Shadow Puppet, qui est un album de 2008. Mais si vous appréciez notamment la voix d'Alex Turner, il y a donc Arctic Monkeys qui ont sorti un album en 2014 qui s'appelle sobrement AM et que je vous recommande fortement aussi. Voilà, on se retrouve dans deux semaines, donc le 24 juin, le mardi 24 juin, toujours à 20h, toujours avec vous en direct sur la page Facebook de l'émission. Et d'ici là, écoutez bien de la musique, allez à des concerts, notamment au Festoche samedi. Je vous remercie encore Delta d'être venu. Merci beaucoup, à bientôt et on vous attend nombreux surtout samedi. Très bien, on y sera, longue route à vous. Et puis bon concert pour samedi. Et puis bonne fête de la musique à tous. On retourne sur l'antenne de RDB.